Technique Canvi, démarche flottante, droite. Nous allons procéder par dégrossissage. Nous allons voir chaque partie de l'exercice, l'un à la fois. Premièrement, position de départ, debout, les pieds légèrement écartés, à peu près à la largeur des épaules, articulation pliée comme dans la technique du poussé. Muscles décontractés. Cet exercice développe l'équilibre, donc demandera aussi au départ cet équilibre. On ne doit pas aller trop vite, on doit prendre le temps qu'il faut pour que notre corps assimile l'exercice. Nous allons commencer par le mouvement de déplacement. Les bras ne travaillent pas, la tête non plus, et nous verrons plus tard comment rythmer la respiration au mouvement. Nous commençons en avançant la jambe droite. Donc, pieds légèrement écartés, articulation des genoux pliés. Lentement, on transfère notre équilibre sur la jambe gauche. Donc, on pourra progressivement libérer la jambe droite qui va commencer à monter lentement, le genou plié, vers le haut. Donc, lentement, nous montons la jambe droite vers le haut jusqu'à temps que le genou arrive à peu près à la hauteur du bassin, pour ceux qui le peuvent. Le pied est complètement relaxé. Lentement, progressivement, nous allons plier le genou de la jambe de soutien, donc de la jambe gauche. Elle descend lentement. Nous descendons progressivement vers le bas, nous plions un tout petit peu ce genou. En même temps, nous allons détendre la jambe droite, celle qui est dans les airs, et nous allons pointer les orteils vers le plafond. Progressivement, en descendant encore vers le sol, en pliant la jambe de soutien, le talon de la jambe droite va toucher le plancher. Nous recommençons. Pour les personnes qui auraient de la difficulté à faire l'exercice, vous pouvez temporairement vous aider en vous tenant après un meuble ou une chaise. Nous reprenons. Genoux pliés, corps décontracté. Lentement, transfert du poids vers la jambe gauche. Doucement, nous levons la jambe droite, le genou plié. Lorsque le genou est à la hauteur du bassin, lentement, en même temps que nous redressons le pied droit pour pointer les orteils vers le plafond, nous plions la jambe gauche et nous descendons lentement le pied droit vers le sol jusqu'à ce que le talon touche le plancher un peu en avant du pied gauche. Par la suite, doucement, vous allez transférer votre équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche va donc devenir droite pendant que le poids est transféré sur le pied droit. Doucement, vous ramenez le pied gauche près du pied droit et vous reprenez la position de départ. Les deux pieds légèrement écartés de la largeur des épaules, muscles décontractés, articulations pliées. Nous continuons l'exercice avec la jambe opposée. Lentement, le poids est transféré sur la jambe droite. La jambe gauche se lève, genou plié, pied décontracté. Lorsque le genou est à la hauteur du bassin, doucement nous plions la jambe droite, pointons les orteils du pied gauche vers le plafond, tout en descendant le talon gauche vers le sol, un peu en avant. Lorsque le talon gauche touche le plancher, nous transférons notre équilibre sur la jambe gauche, et nous ramenons doucement le pied droit à côté du pied gauche. Nous venons de voir le déplacement au sol. Maintenant, il faut rythmer le mouvement des bras avec ce déplacement. Nous verrons la respiration par la suite. Position de départ, pieds légèrement écartés, complètement relaxés, articulations pliées. En même temps que nous allons lever la jambe droite, les deux avant-bras vont se lever exactement comme dans l'exercice du poussé. On y va. On transfère l'équilibre sur la jambe gauche. En même temps que nous levons la jambe droite, les deux avant-bras, les mains pendantes, se lèvent. Il faut que les mains arrivent à la hauteur des épaules en même temps que le genou arrive à la hauteur du bassin. Doucement, nous plions la jambe gauche, ce qui rabaisse le bassin vers le sol. Lentement, nous descendons le talon droit, et lorsque celui-ci touche au sol, doucement, nous remontons les doigts des deux mains vers le haut, et en transférant notre équilibre sur la jambe droite, nous poussons lentement le ballon vers le bas. Nous recommençons la même chose en continuant à avancer avec l'autre jambe cette fois-ci. Complètement relaxé. Lentement, les bras avant-bras, les mains pendantes, en même temps que la jambe gauche, le pied pendant, tout se lève doucement. Les poignets arrivent à la hauteur des épaules, en même temps que le genou gauche. Nous descendons lentement vers le sol en pliant le genou de la jambe droite, la jambe de soutien. Doucement, le talon gauche se dépose en avant sur le sol. Les doigts des deux mains pointent progressivement vers le plafond. En transférant notre équilibre sur la jambe gauche, nous poussons le ballon vers le bas. On ramène la jambe droite près de la jambe gauche, position de départ. Nous allons recommencer l'exercice avec la respiration. Nous allons faire un cycle complet, comme vous devez le pratiquer maintenant. Relaxer. On secoue légèrement les bras. Articulation pliée. Position de départ. Nous allons prendre 3 respirations 2-8-4-4. On doit toujours faire cet exercice complet chaque fois qu'on le pratique. On y va pour les respirations. Après les 3 respirations, 2, 8, 4, 4 en 2 volets, on fait 6 fois l'exercice du poussé. démarche flottante droite. Transfert l'équilibre sur le pied gauche. Lève les avant-bras et la jambe droite en même temps. Inspiration. Rétention. Les articulations des poignets et le genou sont à leur hauteur. On retient son souffle. On descend lentement en pliant la jambe de soutien. On descend le talon droit au sol. Quand le talon touche, on retient toujours sa respiration. On lève lentement les doigts vers le haut. En transférant l'équilibre sur le pied droit, on expire en poussant le ballon et en avançant d'un pas. Le pied gauche est ramené près du pied droit. Relaxé. Transfert de l'équilibre sur la jambe droite. Inspiration, on lève les avant-bras et la jambe gauche. Lorsque les articulations sont à leur hauteur, épaules et bassin, rétention. On plie lentement la jambe droite, on descend le talon gauche vers le sol. Rétention. On lève lentement les doigts vers le plafond. En transférant le poids sur la jambe gauche, on fait un pas en expirant et en poussant le ballon vers le bas. On recommence ainsi de suite. On fait 6 pas en tout. Lorsque vous aurez fini les 6 pas, vous pouvez cesser la pratique. Il est important de la faire au moins une fois par jour. On peut faire plus que 6 pas, il n'y a aucun problème. Cet exercice, comme plusieurs exercices Canvi, plus lentement il est fait, mieux il est fait. On doit sentir tout le corps pendant l'exercice. La respiration doit toujours être consciente et bien rythmée avec le mouvement. On garde toujours les articulations pliées et les muscles décontractés. Et on prend son temps.